Françoise Attrapi, qui est l'invitée de Libre Cours ce soir, dessinatrice de bande dessinée fameuse dont Persepolis. Amandine avait aussi une question sur la représentation que choisit Marjane. Parce que donc dans Persepolis, on remarque que c'est la BD traditionnelle avec des cases, tandis que dans Broderie, c'est un dessin beaucoup plus libre. Alors Broderie, moi je traduis, hein, c'est un livre qui est paru il y a quelques années, qui est une conversation formidablement débridée, inattendue d'ailleurs, on n'imagine pas en Iran justement, entre des femmes de toute génération, très libres sur leur vie, leur sexe, leur vie sexuelle et sentimentale. Et qui est extrêmement savoureux. Amandine, continuez. Donc justement, je voulais savoir si l'évolution par rapport à la BD avec les cases et sans cases, est-ce que ça représentait votre manière de penser actuelle? Non, mais vous savez, pour moi, comme je l'ai dit au début, dans une bande dessinée, en fait, le dessin, ça fait partie de la narration, mais aussi la forme, ça fait partie de la narration. Autant Persepolis, c'est un livre où je veux apprendre quelque chose aux autres. Donc, c'est vraiment c'est à but pédagogique. Donc, je fais des cases, c'est très mathématiquement fait, comme ça, c'est linéaire, vous pouvez le lire, c'est par chapitre. Voilà. Ça, c'est pour Persepolis. Quand je fais un bouquin sur Broderie, c'est une conversation. Une conversation, ça doit être le livre, l'objet, ça doit pour moi ressembler aussi à une conversation. C'est-à-dire, c'est ouvert, vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Une conversation, c'est comme ça. C'est jamais très structuré. Et je voulais que le livre, ça ressemble à une conversation. À chaque fois que j'ai une histoire, j'essaye de penser à la mise en page qui irait avec cette histoire. Et comme je ne sais pas comment le faire, c'est un grand défi et c'est ça ce qui est excitant dans le travail. Sylvain Marc. Oui, justement, ce style apparemment simple laisse place beaucoup à la suggestion, à la narration, au récit. Et est-ce que vous considérez plutôt comme une raconteuse qui dessine ou comme une dessinatrice qui raconte? Les deux. Parce que je peux pas, en fait, c'est-à-dire, pour moi, dans ma tête, il n'y a pas une différenciation. J'ai jamais fait un dessin comme ça, j'ai jamais fait de dessin qui n'était pas narratif, et j'ai jamais écrit un texte sans faire un petit dessin à côté. Bon, donc pour moi, enfin, les deux sont très très liés, donc je peux pas faire le choix réellement. J'aime les deux, quoi. C'est aussi ça, je pense que ça pose un grand problème quand on vous demande pourquoi vous faites de la bande dessinée, etc. C'est un tout petit peu comme être un bisexuel, par exemple. Vous voyez, les gens, quand par exemple vous êtes homosexuel ou hétérosexuel, c'est bien. Mais quand vous êtes bisexuel, ça passe pas. Les gens qui font de la bande dessinée, c'est un peu les bisexuels de la culture, parce qu'à la fois on aime dessiner et on aime écrire, alors que les gens, soit ils dessinent, soit ils écrivent. Je pense que le problème, ça vient peut-être aussi un peu de là. Voilà. Nathanaël Tribondeau. Le choix du noir et blanc, donc vous avez parlé, votre amour, on peut dire amour du noir et blanc, enfin les visages noir sur blanc d'Andosferatu, la gravure. Ce choix du noir et blanc, il est purement esthétique ou aussi c'est pour, entre guillemets, caler enfin, avec le foulard des femmes en Iran, la barbe des gardiens de la révolution et cette pesanteur intellectuelle? Non, c'est pas vraiment ça. Évidemment que c'est un choix esthétique, évidemment aussi que le dessin noir et blanc, c'est un dessin dans lequel on ne peut absolument pas bluffer, c'est-à-dire avec la couleur, on peut faire un dessin vraiment qui ne tient pas, on met un peu de la couleur, ça tient quoi. Le noir et blanc, c'est très très direct, donc ça j'aime bien, il y a un côté absolu dans le noir et blanc que j'aime bien. Et aussi, ça permet aussi, par moment, de garder une certaine distance avec les choses. C'est-à-dire, quand moi je montre un homme, par exemple, qui est torturé ou qui est mort, etc., dès qu'on passe en couleur, il faut mettre du rouge, etc. Mettre du rouge, ça fait que cette personne est réduite en un morceau de viande. Et ça met dans un autre contexte que moi je n'aime pas du tout. Je pense que sur ces choses-là, c'est le plus abstrait possible. C'est mieux, d'autant plus que je pense que l'esprit humain est suffisamment pervers pour s'imaginer toutes sortes de choses. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter parce que ça banalise les choses aussi. C'était aussi pour garder cette distance avec le réel. Est-ce que vous parlez de Nosferatu, mais vous avez le même amour pour le cinéma noir et blanc, pour la photo noir et blanc? Tout à fait, tout à fait. Je suggère beaucoup plus que je ne dis. Beaucoup plus, oui, tout à fait. Pour vous, c'est un refus du sensationnalisme aussi ou... Tout à fait, tout à fait. C'est une chose qui est très très à la mode et que je déteste. C'est un manque de pudeur extraordinaire que j'aime pas du tout. Et j'utiliserai tous les moyens pour ne pas retomber là-dedans. Emmanuel Bastide, sur peut-être la façon dont se prépare un album. Oui, je voulais vous demander comment vous vous organisez justement pour allier récit et dessin. comment se fait la préparation concrète d'un album? Écoutez, le truc c'est que moi j'écris d'abord quelque part, c'est-à-dire j'ai un scénario, ça ne veut pas dire que je le tiens, hein. C'est-à-dire je sais, je vais commencer là, je vais finir là, et c'est ça ce que j'ai envie de raconter entre. Ça, il faut que je... T'as des dessins écrits, j'écris des petits, j'ai des petites notes de tout ce que j'ai envie de raconter dans mon histoire, comment je le commence et comment je le finis. Ça, c'est, je l'ai fini. Ça, c'est le départ. Après, quand je commence à faire un découpage, les deux, ils viennent ensemble. Et moi, je me regarde pas travailler. Mais comme exemple, je peux vous dire, c'est comme un fœtus qui grandit dans un ventre. Vous n'avez pas d'abord le nez qui grandit et puis un œil et puis hop, il y a un bras qui pousse. Tout grandit en même temps. Et là, c'est vraiment ça. Je peux pas vous dire à quel moment vient quoi, mais le cadrage, évidemment, je le retravaille. Le texte, je le retravaille aussi. Mais à la base, j'ai quelque chose qui, où je sais où je commence et où je finis. Alors, pour vous apprendre un truc qui marche très bien, quand vous avez fini un album de bande dessinée, moi, j'ancre toujours le dernier chapitre d'abord. Parce que à la longue, je vais me fatiguer. Et alors, si les dernières pages sont hyper moches, c'est pas bien. Alors, je dessine d'abord le dernier chapitre. Comme ça, si en plein milieu, je fais 2-3 pages qui sont pas super bien, on les oublie. On va regarder la fin de Poulet aux prunes par rapport au milieu. Amandine Pécharmand, sur le cinéma d'animation et Persepolis au cinéma. Oui, alors je voudrais savoir, donc vous travaillez avec Bibo, donc sur votre projet de long métrage. Oui, je suis bien content et Bibo. Et d'accord, merci pour la précision. Donc qu'est-ce qui vous a lancé, qu'est-ce qui vous a motivé plutôt pour vous lancer dans une telle aventure par rapport au long métrage, qui va, dans un sens contraire à tout ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire à tout ce qui est visuellement attirant. Votre propos est plutôt didactique. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour réaliser ce long-métrage ? C'est pas Miyazaki, quoi, c'est ça ? Non, du tout. Et puis, c'est en noir et blanc et tout ça. Bah, écoutez, le truc, c'est que moi, mon livre, il est sorti aux États-Unis et il y a eu des producteurs hollywoodiens qui m'ont écrit des lettres. Genre, ils voulaient faire, avec Persepolis, ils voulaient faire une série comme Beverly Hills. Mais c'est que vous avez dit Sex and the City. Non, c'est Beverly Hills. Genre, il y aurait des jeunes gens comme ça, voilà, et hop, il y aurait une bombe qui exploserait, et puis hop, ils montraient dans leur voiture, voilà, c'était ça. Donc, j'en parlais à un ami à moi qui, à l'époque, il voulait faire producteur, et il me dit non, mais on va faire un dessin animé, on va le faire en France, et tout ça, et tout, et est-ce qu'on va le faire? Je dis oui, comme ça. Et puis après, bon, et finalement, lui, il est réellement devenu producteur, et il m'a poussé, et puis après, j'ai dit oui, et puis après, j'ai vu les gens de Je suis bien content, après, on s'est associé avec Bipo, ce qui est superbe, en fait, dans déjà, ce n'est pas du tout la même narration, parce que quand j'ai réécrit avec mon ami Vincent Paronneau, parce qu'on est deux à faire le film, c'est Vincent Paronneau et moi, on est co-scénariste et co-réalisateur. Quand on a réécrit le scénario, la narration est complètement différente du livre, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est une autre histoire, c'est une autre façon de raconter. Je ne peux pas justifier vraiment quelles sont les raisons qui m'ont poussée, c'était juste... j'avais envie de le faire. Au début, je ne savais même pas pourquoi je l'avais envie de le faire, mais en voyant les images, ça me fait très très plaisir. Ce qui est super, c'est que c'est un long métrage d'animation qui se fait à 100% en France. C'est-à-dire, on est déloc. Normalement, l'année prochaine. En mai de 2007. Si je ne suis pas morte entre-temps, ça sortira en mai 2007. Sylvain Roy, étudiant en Master 2, valorisation de patrimoine et développement culturel à l'Université de Cergy-Pontoise, est concerné par l'Asie et l'art, notamment en Ouzbékistan, où il doit se rendre. Question à Marjane Satrapi. Oui, alors bonjour Marjane. Bonjour. Persepolis, en fait, représente largement l'influence, notamment sur le plan musical, des années 80. On peut lire que Kim Wilde, Michael Jackson, Iron Maiden faisaient partie des musiques que vous affectionnez. Bien sûr. Moi, je suis fortement étonné, puisque, donc étant moi-même à cette époque, j'écoutais cette musique-là, donc j'ai eu l'impression tout d'un coup que vous étiez ma voisine. C'est la mondialisation, ça. Bon. Comment vous avez pu écouter cette musique? Comment vous avez pu être initié à cette musique? Non, mais écoutez, malgré les apparences, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le chercheur de CNRS encore qui vous le dit, dans tout le Moyen-Orient, s'il y a un pays où la population est pro-occidentale, c'est en Iran. Les Iraniens, ils sont très pro-occidentales, et ils adorent l'Occident, et ils adorent la mode occidentale et la musique occidentale, etc. C'était jusqu'à 79, on était un pays, mais vraiment tourné vers l'Occident. l'Occident, on voulait à tout prix être occidental, et puis après ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, quoi. Donc évidemment cette musique elle venait, et puis vous voyez la musique pop, c'est-à-dire quand vous avez 14 ans, vous n'avez pas envie d'entendre un Oud et un Tar et le Saint-Ouz et les gens qui... On a envie d'écouter de la musique pop, on a envie d'écouter du hard rock, comme tout enfant de 14 ans. Et en fait, c'est comme ça, et c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est-à-dire, on a fait une image de nous, où nous, on était tout le temps là, en train de se taper en hurlant, martyr, on va aller au ciel, et en même temps, nous, on était en train d'écouter les mêmes musiques que vous. Il faut aussi que je dise que c'est une question aussi de couche sociale et de classe sociale, oui, évidemment. Sylvain avait une question un peu là-dessus, voici. Voilà, évidemment. Oui, c'est vrai que le Persepolis, j'ai pu apprendre que ça représentait, était un ouvrage de référence pour représenter la culture iranienne, mais vous ne parlez que de cette couche sociale, et vous ne parlez jamais des minorités pourtant présentes avec un passé culturel très très fort, tel que celle du Turkménistan, entre autres. Oui, mais quel est l'écrivain qui parle de toutes les couches sociales, de tout son pays, dans son œuvre, quoi. On parle aussi de son milieu social, par exemple, est-ce que, je ne sais pas, un type comme Dostoïevski, il va écrire aussi, vous voyez, est-ce que tout le monde est représenté? Non. Moi, je viens d'un milieu bourgeois, je n'ai jamais prétendu le contraire, je n'ai jamais dit que j'étais représentante de l'Iran, j'ai dit, voilà ce que j'ai vu. Donc ce que je représente, c'est ce que je connais. Après, si je commence à dire les Turkmènes ont été comme ça et les Baloches ont été comme ça, c'est parce que je vais me donner bonne conscience pour dire, regardez, j'ai regardé tout le monde. Moi, ces gens-là, je ne les ai pas connus. Je ne les connais toujours pas. Je connais un peu leur musique, j'ai voyagé, mais j'ai fait un voyage un peu ethnique, comme toute personne qui voyage dans ces endroits-là. Donc avoir mis tous ces gens-là, si ce n'était pas pour me donner bonne conscience, il n'aurait eu aucun autre... Ça aurait été hors propos. Je parle vraiment de ce que j'ai vu. Évidemment, ces gens-là, ils existent. Évidemment, à chaque fois qu'on m'a dit « Vous représentez l'Iran », j'ai dit « Non, moi, je représente la bourgeoisie iranienne ». Voilà, c'est comme ça. Je suis née là-dedans et je prétends pas autre chose. Nathanaël Tribondeau sur oui, le régime. Toujours, voilà, sur ces questions de culture iranienne et de vision qu'on a ici de l'Iran. La victoire des... conservateurs, parler peut-être de conservateurs, la dernière victoire a fait l'effet d'une certaine douche froide en Occident, ou en France tout du moins, alors qu'on avait plutôt l'impression, durant la fin des années 90, d'une ouverture du régime. Alors par rapport à cet événement, est-ce que déjà nous, on avait raison ici de voir que la société s'ouvrait, et est-ce que vous pensez que l'Iran va revivre 30 ans plus tard une seconde révolution islamique? Écoutez, je pense que l'évolution a déjà eu lieu. Et cette évolution, comme je vous le disais au début, ça ne tient pas au président, parce que le président, ça ne représente pas vraiment une autorité dans ce pays-là. L'évolution, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'en pendant 27 ans, les lois ont dit à moi, femme, que je valais la moitié d'un homme. C'est comme ça. Le résultat de ça, c'est quoi? C'est que 64% des étudiants en Iran sont des filles, c'est-à-dire 2 étudiants sur 3. Et je pense, je le dis toujours, qu'il y a un rapport mathématique entre le fait de valoir moins et d'étudier 2 fois plus. Ces femmes qui étudient, ces femmes-là, elles vont aller travailler. Il y a une partie d'elles, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de population active féminine aujourd'hui qu'il y en avait sous le Shah. Or, moi je suis persuadée que s'il y a un grand ennemi à la démocratie, ce n'est pas Monsieur X ou Monsieur Y, c'est la culture patriarcale qui est la vraie ennemie de la démocratie, c'est une culture, c'est la culture patriarcale. Quand, dans une culture, le père, il a le mot suprême, et que sur le mot du père, la mère, les enfants n'ont rien à dire, la même chose, vous le faites à l'échelle plus grande, le dictateur, c'est le père de la nation, devant lequel personne ne dit rien. C'est cette culture qu'il faut combattre. Or, une culture, ça ne se change pas en 2 jours, ni en 2 ans, ni même en 20 ans. Cette évolution est à ce niveau-là. C'est-à-dire, ces femmes, il y a beaucoup d'associations féministes en Iran, il y a des filles qui étudient de plus en plus, et il y a de plus en plus de populations actives femmes. Là est l'évolution. Alors, on peut avoir 100 monsieur Ahmadinejad, tant que nos femmes iront à l'université, tant qu'elles conduiront leur voiture, tant qu'elles travailleront, tant qu'elles deviendront ingénieurs, médecins, tout ça, cette évolution continuera. Et le jour où on voudra avoir une démocratie, vous savez, la démocratie, c'est pas une couleur avec laquelle on peint les murs, parce que sinon, l'homme d'Amérique, il aurait déjà fait une démocratie en Afghanistan, en Irak. C'est pas en mettant des distributeurs de Coca-Cola qu'on fait la démocratie. C'est une culture qui doit devenir démocratique et donc pas patriarcale. Ça prend du temps. Or, aujourd'hui, on est dans un climat, comme il n'y a plus de contre-pouvoir, il n'y a plus de plan politique. Tout le monde dit des choses pour gagner les élections dans 2 ans. Parce qu'il n'y a pas de projet réellement. Pour une vraie évolution, on a besoin de beaucoup de temps. Et si, à travers mes... parce que vous m'avez rajeuni là tout à l'heure, mes 36 années de vie, il y a une chose à laquelle je crois, c'est la culture et l'instruction. Rien d'autre, j'y crois. La culture et l'instruction, ça n'arrête pas tout, mais ça aide à être moins con. Et si on est moins con, c'est déjà pas mal. Et une question, Marjane, sur l'arme nucléaire éventuellement demain dans les mains d'extrémistes. Est-ce que vous le craignez ou est-ce que vous dites, en patriote, pourquoi est-ce que l'Iran n'aurait pas, elle aussi, l'arme nucléaire? Ou est-ce que la démocrate que vous êtes dit la dissémination nucléaire entre les mains de gouvernements extrémistes, ça m'effraie? La personne contre que je suis dirait d'armes nucléaires pour personne. C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des armes avec lesquelles on peut détruire la Terre en 2 minutes. Tout le monde prétend qu'on ne va pas utiliser ces armes. Tout le monde dit ça. Alors si on ne va pas les utiliser, pourquoi on met autant d'argent pour les fabriquer? C'est ça ce que je ne comprends pas. Et pourquoi on ne fait pas, mais vraiment... une chose internationale où les États voyous y commenceraient et puis après les autres États petit à petit et on n'aurait plus d'armes nucléaires parce que c'est des armes qu'on ne va pas utiliser. Tout cet argent, si encore une fois ça passe dans la culture et l'instruction et dans la connaissance de l'autrui, fera qu'on a besoin de moins faire de guerre, quoi. Vous voyez, moi, la première fois que je suis allée aux États-Unis, parce que, comme moi, je suis le mal pour vous, évidemment, les Américains, moi, j'ai grandi avec cette idée que c'était les plus pourris de la Terre, c'était les Américains. Donc, la première fois que j'ai voyagé aux États-Unis, c'était en 98, dans le but d'aller trouver, d'aller comprendre pourquoi je les détestais autant. Et vous êtes allée à West Point, qui est une école militaire. Non, ça, c'était des années plus tard. Mais je suis allée une première fois, j'ai reçu la première baffe dans mon visage, la deuxième fois. Il se trouve que à chaque fois que je suis allée pour détester les gens et trouver toutes les raisons pour les détester, j'ai trouvé des amis. C'est parce que je les ai vus que je les déteste vous pas dites, aussi. Vous dites d'ailleurs qu'ils se remettent quelquefois plus facilement en cause, en tout cas que les Européens. Bah, évidemment, bien sûr. Nathanaël avait une question. Oui, toujours à propos de la possible bombe nucléaire. Déjà, y a-t-il réellement le soutien populaire en Iran qu'on voit dans les médias occidentaux? Et ce soutien est-il sur des bases religieuses ou anti-israéliennes ou tient-il plutôt d'un nationalisme qui a peu de rapport avec l'islam, d'un nationalisme iranien? Écoutez, moi je ne suis pas en Iran, je ne sais pas si ce soutien est réel ou pas, mais en supposant que ce soutien soit réel, il ne faut pas oublier qu'une fois en 51, quand nous on a nationalisé notre pétrole, les Anglais ils ont dit, vous les Iraniens, vous ne pouvez rien faire avec votre pétrole. Le résultat c'est qu'on a pu le faire, et le résultat c'est que 2 années après, il y a eu un coup d'État en Iran. Donc, il ne faut pas oublier quand même que l'Iran, le pays Iran, quand en 80 il a été attaqué par l'Irak, il a été attaqué par Saddam Hussein, tous les pays occidentaux, ils étaient pro-Irak. Bon, pendant 8 ans, les Iraniens, l'Irak a bénéficié de tout ça. Les Irakiens, ils ont quand même bombardé les Iraniens avec les bombes chimiques, il n'a pas été question de convention de Genève, etc. Que l'Iran est un pays qui est entouré de d'autres pays, dont aucun de ces pays ne sont ses amis. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, qu'il y ait cet aspect nationaliste, parce que quand l'Irak nous a attaqués, personne n'a dit « Ah, c'est Saddam Hussein qui vous a attaqué ». Non, c'était les Irakiens qui étaient soutenus par les Occidentaux et par ses voisins. Je peux le comprendre. Ceci étant dit, profondément, à 100%, je suis contre l'arme nucléaire, que ce soit pour l'Iran, mais aussi bien pour les États-Unis, qui sont quand même le seul pays à l'avoir utilisé. Personne ne doit avoir d'armes nucléaires. Cet argent doit aller à la culture et à l'instruction. C'est tout. On gâche de l'argent pour faire des trucs qu'on ne va pas utiliser. Je ne vois pas. Je vois pas quoi. Marjane Satrapi, on est à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on termine, puisque cette émission a été une série d'allées et venues entre différents sujets. Retour à la BD, peut-être avec Marion Pradier, qui encore une fois rêve d'en faire. Oui, mais en fait, c'était juste... Non, je pense que vous avez plus ou moins répondu à ma question, mais si vous aviez des choses à ajouter pour persévérer dans le milieu de la bande dessinée ou enfin, des conseils à donner par rapport à... À la vieille de 36 ans que vous êtes, à la jeune Marion Pradier. La vieille que je suis, bah écoutez, je pense qu'il faut pas oublier qu'avec une bande dessinée, vous racontez déjà une histoire, donc il faut déjà avoir une histoire qui tient. Il faut avoir déjà un bon scénario. Après, il faut adapter le dessin par rapport au scénario, c'est-à-dire c'est pas une performance de regard, je sais dessiner tous les muscles et toutes les veines et le sang qui coule dans les veines. Le dessin, de mon point de vue, hein, c'est que mon point de vue après tout, le dessin doit servir la narration et pas le contraire. Et après, il faut présenter des projets, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ça se fait jamais en un jour. Moi-même, j'ai attendu 3 ans et demi où j'ai frappé à toutes les... Pas avec Persepolis, mais bon, j'ai essayé de publier des choses, ça n'a jamais marché. Il faut... Quand vous sortez de l'école, il ne faut pas penser comme toutes les gens qui sortent des écoles d'art, qu'on est le nouveau qui vient et tout le monde nous attend les bras ouverts en disant « Mario, mais où étais-tu ?» On t'attendait tous. Non, personne ne nous attend. Je suis consciente quand même. Voilà, il faut toujours se dire qu'il y a une période, il y a... Un laps de temps dans lequel il se passera rien, où il faut juste y aller, y aller, y aller, y aller. Et ça se débloque des fois plus tôt, des fois plus tard, mais il faut juste continuer, c'est tout ce que je peux dire. Après, pourquoi soudain une porte s'ouvre? Moi, je pensais que ça allait s'ouvrir jamais. Et ça s'est ouvert, donc il n'y a pas de raison pour que ça s'ouvre pas pour vous. Merci beaucoup, Marjane Satrapi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission à l'école Estienne, à Gobelin, à l'école de l'image, à l'université de Cergy-Pontoise. On peut réécouter le programme sur franceinter.com en cliquant sur Libre Cours. On retrouvera tous les ouvrages, le site des ouvrages de Marjane Satrapi, Persepolis, bien sûr, Broderie, Poulet aux prunes et les autres. On peut également télécharger l'émission, la podcaster, comme on dit, et ainsi l'écouter et la réécouter à sa guise. Pour nous écrire, c'est librecours@radiofrance.com. Cette émission a été réalisée par Bruno Carpentier, préparée par Florence Gimalac et Virginie Bloch-Lenné, à la technique Noélie Pellegrin et Nadège Antonini. Dimanche prochain, je dis ça à l'antimilitariste que vous êtes, nous serons en compagnie du chef d'état-major des armées, le général Bintoja. Il sera entouré d'élèves officiers de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale de Brest et de l'école de l'air de Salon de Provence et expliquera pourquoi être militaire aujourd'hui, c'est un vrai enjeu dans cette société. J'envoie mon salut au général pour la semaine prochaine. Merci Marjane Satrapi. Très bon contact avec Marjane, très vivante et... Très bien. Très bonne ambiance sur le plateau. Alors Marjane, c'est une dame qui a des choses très intelligentes, ce qui est le plus en plus rare dans le contexte actuel. Impressionnante de sincérité, très agréable. Alterner le fond et la forme, mais justement c'était passionnant. Passionnant. Un moment enrichissant.